Qui m'obsède est à jamais. 120. Jésus, par ton sang précieux. 1, 2, 3, et chante. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Seigneur, reste avec nous. si longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Fais en tout temps à tout bien je peux faire ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, en tout temps sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour radieux, je puis te dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je me demande, oh mon Dieu, qu'une chose soit mon trésor non à plus précieux. Encore les faits disposés, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de doute humeur, que rien jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Sans trouble, sans alarme, je chanterai sur des voix plus heureux. Libre qu'ici, je mets la veine et l'âme, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen. Cantique numéro 8. Si tout le Dieu des amants le courroux, il nous appelle au rendez-vous précis, le nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus, oh, je le ferai. 66. Il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur. Il est tout le sacrifice. Yeah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Où doit régner le Tout-Puissant. Courage, d'accord. Mais à quelque, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur n'est pas lâché. Le Seigneur, c'est l'Esprit. D'accord. Donc tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on doit le faire selon l'Esprit. Et si c'est selon l'Esprit, la chair n'a qu'à céder. Bonsoir à vous à tout le monde. Bonsoir. Vous vous sentez bien. Amen. Les louanges. Ça devrait faire le cœur, n'est-ce pas? Amen. Ça, les louanges devraient enlever tout ce que les mondains nous ont mis là. Amen. Ça devrait, ça, en fait, ça devrait. Quand vous dormez, vous entendez encore veille au matin, veille le soir. C'est merveilleux. C'est seulement merveilleux. Et ça fait du bien à notre grand Dieu et ça nous fait aussi du bien. Parce que ça enlève davantage de pourriture dans nos têtes. Ça enlève davantage ce que le monde avait longtemps amassé en nous. On adore notre grand Dieu avec joie. Ça nous plaît et ça nous nettoie. Amen. Amen. On prie ou on fait comment? On prie ou on fait comment? On prie. Ok. Permettez alors, je pose un peu de questions et on va voir là où ça va. D'accord? Quand vous chantez, est-ce que vous êtes attentif à chaque parole que vous adressez pour le Seigneur? C'est une question. Lorsque vous chantez, lorsque nous chantons tous, est-ce que nous sommes attentifs aux paroles dont nous prononçons? Chaque fois, dans les enseignements, nous avons appris et entendu que la bouche lit les choses, n'est-ce pas? La bouche lit les choses sur la terre et c'est aussi lié dans les cieux. C'est la bouche là. Est-ce que donc, quand nous chantons, nous sommes attentifs? C'est la première question. La deuxième question, c'est lorsque vous chantez, est-ce que dans votre cœur, vous avez le désir que Dieu puisse agréer votre mince voix parmi les autres voix? Que ces louanges puissent le plaire et non à vous. Vous le faites. Nous allons quitter, nous devons quitter le monde de la chair pour vivre selon l'Esprit. Nous devons, c'est le devoir, c'est une obligation pour le chrétien de quitter la chair et de vivre selon l'Esprit. C'est pourquoi nous devons tout faire, pas pour plaire à nous, ni aux autres, mais à notre Dieu, à la personne qui nous a donné son souffle et sa respiration. Vous voyez ça? Alors, est-ce que c'est dans cet état-là que nous adorons Dieu? Et troisième question, est-ce que quand nous adorons, nous voudrons adorer davantage, je dis de façon plus excellente? Est-ce que nous le faisons? Si nous ne le faisons pas, nous devons demander au Seigneur, nous devons commencer. Commencer à mieux le faire. De faire de mieux en mieux. Nous qui sommes là pour adorer le Seigneur, nous sommes comme des petits-enfants qu'on nous a amenés à la maternelle. On était au quartier, on comprenait que maman, baba, manger, c'est tout ce qui nous plaît. Mais ici, on commence à te dire, ah bon, tout compte faire gloire au Seigneur. Ici, on commence à t'enseigner la façon de se conduire pour plaire à Dieu. Première des choses, on t'enseigne la façon de te conduire pour plaire à Dieu. Deuxième chose, on te montre le chemin qui te conduira toi-même à ce Dieu-là. Troisièmement, toi-même tu dois le chercher. Parce que tout ce qu'on te donne, c'est bien. Mais ta part est en toi. Et tu dois ajouter cela pour plaire à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi, si nous sommes réellement en train de croître, d'aller de grâce en grâce avec la personne du Seigneur. Si nous avons été dès le commencement de l'appel, nous avons été au premier niveau, et que 2 ans s'écoulent, nous sommes encore au premier niveau, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Parce que 2 ans plus tard, on devrait se retrouver quand même au 4e niveau. Pour commencer à dire, waouh, mon passé était sombre, mon présent commence à être propre. Pour espérer davantage, parce que je vais atteindre la lumière. Amen. Je veux atteindre la lumière, je vais habiter au milieu de la lumière. On ne peut pas quitter des ténèbres, on vous lance au milieu des... Ça va vous faire mal aux yeux. Plus vous vous approchez, plus vous vous habituez, plus vous vous plaisez, plus vous parvenez avec joie. Amen. Amen. Alors, vous vous examinez. Hier, j'adorais comme la religion m'avait enseigné. Est-ce qu'aujourd'hui, j'adore avec l'esprit? Hier, la religion m'avait dit, « Oh mon frère, ma soeur, tu as une belle voix d'or, chante. » C'est pour eux. Nous sommes d'accord. Amen. Mais est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui pourrait dire aujourd'hui que ta voix m'est agréable? Est-ce que vous chantez, nous chantons en cherchant ceci? Parce qu'en réalité, si on parvient à le plaire, qui peut agréer une chose de nous, nous sommes plus heureux que jamais. Alors, à quel niveau nous sommes avec la vie de l'adoration déjà? À quel niveau nous sommes avec la vie d'adoration déjà? À quel niveau? À quel niveau nous sommes seulement avec la vie d'adoration? Est-ce que quand nous adorons, donc, on veut quitter la chair, laisser la chair, écouter? C'est-à-dire les émotions, les lèvres. Non. Avec soin et droit et bonté de cœur. Et ensuite, nous pouvons entrer dans la prière parce que tout cela sont liés les uns sur les autres. Un bon adorateur est aussi quelqu'un qui sait prier. Et quelqu'un qui sait prier, c'est très bien avec lui. Si vous pouvez, dans votre prière, être spécifique et fixé, connecté à la personne, et même quand vous adorez, vous êtes connecté à lui. Il faut se connecter. Il faut. Chaque fois, je vous dis que la vie de la chair, Dieu n'a pas de place. Jean 4 dit ceci. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et vérité. Pour qu'ils agréent ce qui vient de nous. Mais si nous, si on ne le fait pas comme ceci, c'est encore un problème. Au départ, au commencement, on faisait comme on a appris et comme on a entendu. Maintenant, il a nettoyé, il a dit voici la façon. Et nous avons un devoir, notre devoir de soigneusement vérifier que on marche d'après les prescriptions et la façon qu'il a ordonné. Que ça lui soit. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Chaque individu, chacun parmi vous, frères et sœurs, et le dans le Seigneur, chacun devrait aimer Dieu, doit aimer Dieu. Pas par rapport à quelqu'un. Pas parce qu'il veut quelque chose de Dieu. Mais parce que son nom est Dieu. La première des choses, c'est ceci, que nous lui devons tous soumission et reconnaissance. Et ensuite, nous devons avoir notre intimité avec le Seigneur. Notre intimité avec le Seigneur. Notre bonheur en vaut la peine dans cette intimité-là. Nous avons la communion générale. Mais la communion générale ne suffit pas. La communion générale ne suffit pas. La communion générale a un but, nous fortifier les uns les autres et puis avoir la force plus puissante pour louer notre Dieu. Mais quand on se retire, je n'attendrai pas jeudi, ça c'est dimanche, jeudi ou dimanche pour adorer Dieu. Vous devrez avoir cette intimité-là avec lui dans vos rapports journaliers, hebdomadaires, ici, ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Connaissons Dieu pour notre bonheur. Connaissons Dieu pour notre bonheur. Et faisons les choses avec soin. Tout ce que le Seigneur a prescrit, c'est avec soin qu'il voudrait qu'on les mette en pratique. Avec soin. C'est-à-dire, être sûr que un n'est pas avant deux. Être sûr que je ne vais pas me mettre 1, 2, 4, 5. Non. Chacun doit respecter sa place. Je suis sûr que j'ai mis 1, 2, 3, 4, je suis à 5, je suis à 5. Vous voyez ça? Dès lors que vous allez traverser, le vide que vous avez laissé doit être contenu, habité par le levain. L'Écriture déclare qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Donc, je dirais ceci. Supposons que je suis allé à 4 et j'ai traversé 5. Le levain prend la place de 5. Il va ranger tous les 4 que j'ai d'abord traversé avant encore de continuer 6. Un moment donné, tu vas dire, mais j'avais dit, c'est où? Non, il l'a éteint. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'intervalle où il pouvait appliquer. C'est ça l'ennemi qui nous ronge chaque jour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec soin qu'on a pris à faire les choses du Seigneur. Et nous tous, la plupart d'entre nous sommes victimes. Ils ne le savent pas. Ils sont victimes. Et le très souvent, le mot qui racle, c'est rien. Ça fait quoi? Il va passer. Ça va passer. Il va tomber. Après, on ne s'en rend pas compte qu'on a laissé le bord du monde. Je vous exhorte, mes frères, et mes soeurs dans le Seigneur, à être des êtres conscients. Ils ont fait. Des êtres conscients et des hommes faits, connaissant ce que vous faites et faisons le bien. Connaissant ce que nous faisons, faisons-le avec soin. Amen. Le Seigneur viendra certainement, il viendra. Nous ne soyons pas ceux qui disent que parmi ceux qui disent que le Seigneur viendra et qui ne sont pas prêts à l'accueillir. À le recevoir. Attention. La plupart savent que le Seigneur vient. Nous sommes d'accord. Mais sont-ils prêts à l'accueillir? sont-ils prêts à l'accueillir? Sont-ils tous dans les bonnes dispositions que s'il vient, il n'y a rien à reprocher? Amen. Nous devons être conséquents. C'est pourquoi j'ai dit, soyons des hommes faits. Un homme fait est conséquent. Un homme fait est conséquent. Il se prépare, il se met dans la bonne disposition. En tout moment, lui seul, à la bonne position. Et ça monte, ça descend. On arrive ici, on va dire, tout le monde, mais toi quand même. Place-toi de côté. On est différent. J'ai toujours un passage de l'écriture que je dois chaque fois. Dans Genèse 19. La vie était empoisonnée. Physiquement, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait un homme qui était seul dans la vie. Nous sommes d'accord. On ne pouvait pas savoir que dans toute la ville pourrie que nous voyons ici, il pouvait y avoir des jeunes filles prêtes pour la vie comme les autres, mais qu'elles se sont réservées. Nous sommes d'accord. On aurait dit que tous sont pervertis. Mais attention. Quand même, il s'y trouvait deux et un monsieur. Ils étaient mis à côté. Deux étaient conséquents. À côté. Quand cet être est arrivé, ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, ils l'ont reçu chez eux. Parce qu'ils étaient conséquents. S'ils étaient dans la ville, au cœur de la ville, comme tous les autres en train de faire le mouvement, ils pouvaient voir. Mais quand même, ils vont dire, le Seigneur Jésus vient. J'adore Dieu tout, nuit et jour. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que c'était vrai? Non. Ce n'est pas parce que tu as dit. Et c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu se le racontes que c'est vrai. C'est ta conduite. C'est est-ce que tu es non fait? Est-ce que tu es conséquent? Alors si tu es conséquent, tout le monde peut être très grave, mais ta part est seulement grave. Parce que ton droit d'ignorance peut un peu arrêter tes pieds. Ou bien le raisonnement. Mais quand même, tu as un bon par rapport. Mais nous ne voulons pas ceci. Nous voulons être un peuple saint. Un peuple saint qui aime son Dieu et l'adore de tout son cœur. Avec joie. Sans crainte ni tremblement. Non. Sans crainte ni tremblement parce que il n'y a pas de crainte dans l'amour. Nous sommes d'accord. L'amour est pur. L'amour est pur. Il n'y a point de crainte là, dans l'amour. Nous devons en être ainsi, avec notre Dieu. Donc, la communion générale, c'est très bien. Adorer ensemble, c'est très bien. Mais aussi, l'intimité personnelle est encore parfaite. L'intimité personnelle est encore parfaite. Donc, apprenons à nous attacher à notre Dieu, à le porter dans notre cœur, à aller partout avec lui, en esprit et en vérité. Amen. Amen. On peut prier maintenant. Amen. On peut prier. Amen. Amen. Voilà, nous devons demander des choses au Seigneur. Je ne vais jamais demander cinq choses, non? Avant tout, parce que je sais que nous prions beaucoup. Mais pour l'instant, demandez au Seigneur de vous donner à être vrai avec lui en toutes choses. Et que ce qu'il vous a prescrit, que vous le faites avec soin et joie. Que vous le faites avec soin et joie. Avec soin et joie. Amen. Seigneur Jésus, notre grand Dieu, notre grand Dieu. Nous avons toujours la joie de nous approcher à ta sainte présence et d'invoquer ton nom. Seigneur, nous sommes un peuple que tu as choisi, que tu as acquis à cause de ton sang. Et que dans ta bonté, tu as fait tant de ta grâce juste à nous. Et que voici, nous sommes construits. Nous voulons t'adorer, t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons marcher conformément à ta volonté. Nous voulons être semblables à toi, Seigneur notre Dieu. Le Père, étant dans la chair, nous nous conduisons très souvent par l'ignorance. Nous nous conduisons très souvent par le fait de la chair. Le Père, de ta grâce et ta miséricorde, mais tout ce que nous avons fait, ô Dieu, de ta offense, de ta inutilité, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, nous te prions de nous accorder la force et la sagesse, l'intelligence et le discernement pour faire toutes choses au devant de toi. Nous voulons faire les choses telles que les enfants, bien-aimés et obéissants, le font sur l'ordre de leur père. Il n'y a que toi pour nous rendre sages. Il n'y a que toi pour nous rendre capables de prendre soin, ô Dieu, de tout ce que tu nous as prescrit. Il n'y a que toi, Père, qui nous donner à être frais avec toi en toutes choses. Seigneur, tu as dit que ce que tu attends de nous, c'est amour. Et nous voulons t'aimer, Seigneur. Comme de façon naturelle, Père, comme les enfants aiment leur part. Donne-nous au fond de notre cœur cet amour pur, cet amour qui vient de toi, cet amour qui est commensurable, Seigneur, cet amour qui vit l'homme. Seigneur, de toute mauvaise pensée, de toute crainte, et de tout mauvais désir, et toute mauvaise motivation, de cet amour-là qui aime pour aimer comme tu nous as aimé. Tu nous as prouvé ton amour, Seigneur, que ce que, étant pécheur, étant plongé dans le péché, tu t'es donné à nous. Le même Seigneur, nous voulons sortir du péché et nous donner entièrement à toi. Nous voulons vivre cette vie que tu aimes, que tu apprécies, que tu as créée. Nous voulons que notre corps soit toujours. Nous voulons, Seigneur, qu'elle soit toujours confiée au fait que Seigneur, sur ton intérêt. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous de tout faire avec soin. Avec soin, que chacune des paroles qui est sortie dans ta bouche et qui nous conseille, Père, vient habiter dans notre cœur et que nous la mettons soigneusement en pratique avec joie. Avec joie, car nous avons trouvé grâce à tes yeux. Oh Dieu, ta grâce puisse t'amener jusqu'à nous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous avons guéri pour Dieu, avoir notre vie profonde et serein avec toi. Et nous conduis, Père, avoir la vie, cette vie communale, commune avec tous les autres. Seigneur, que partout nous sommes, c'est le moment de t'adorer, que nous arrêtons toutes choses et que nous t'adorons, toi, le grand Dieu. Que l'heure de tout ce que nous avons fait pour toutes choses, que nous restons t'adorer dans notre esprit, dans notre cœur, parce que tu es notre Dieu et tu es notre Dieu. Seigneur, ce que nous voulons, te demandons, accepte-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme d'un grand comme ils aussi tous nos prières. Et que nous passions, nous changeons de l'autre de nos pays, que nous soyons des êtres frais, qui propres, et qui ne pas de moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec nos parents. Amen. Amen. Amen. Amen. Levez-vous, levez-vous, saluons les uns les autres, les unes les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Faites l'effort de vous asseoir. Je sais qu'il n'y a pas assez de place. Saluez-vous les uns les autres, les unes les autres. Saluez-vous les uns, les autres, les unes, les autres. Saluez-vous les uns, les autres, les unes, les autres. Ceux du dehors, vous pouvez entrer. Si vous n'avez pas de place, entrez, vous saluez, vous rentrez dehors, dans votre dehors. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous autres qui êtes connectés, vous pouvez ouvrir vos micros et saluer vous les uns les autres. Ouvrez vos micros et saluez vos frères et vos soeurs ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir les frères. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Shalom, shalom. Shalom. Paix à toi, mon frère. Bonsoir. Paix à toi, mon frère. Paix à toi, mon frère. Paix et joie à vous. Amen. Le couple Trabi avec la sœur Félicité Trabi de Belgique. Bonsoir. Shalom, mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le frère Jean-Paul et la sœur Flavie Jean-Paul de la main. Bonsoir. Shalom. Fête, je l'ai vu. Tu as vu qui? Fête, et j'ai aussi vu Joshua. Et voilà, ils sont assis là-bas. Bonsoir à la sœur Carole. Ton mari en route, il arrive, ne t'inquiète pas. La sœur Carole dans le main, bonsoir. Bonsoir, shalom, shalom à tous. Tu es seulement dans ton cœur, tu prie que ton mari vienne vite, n'est-ce pas? Bien sûr. Il arrive, il va te joindre bientôt, d'accord? Ok. Le frère Melchi et la sœur Gilles, bonsoir du côté de Maroc. Bonsoir, shalom à tous. Bonsoir. Bonsoir tout juste au Maroc également. Bonsoir au frère Joben. Je crois que frère Joben a des problèmes avec sa caméra. Bonsoir. Bonsoir frère Joben. Bonsoir. La sœur Carole Ngaha du Canada, je crois que c'est le robinet qui est percé sur toi, ça a gâté ton PC. Bonsoir. Bonsoir à tous les bien-aimés. Bonsoir. Mais on ne voit pas tes jolies lunettes là. On ne voit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que c'est à la charge. C'est pour ça que je suis venu brancher à la charge. Courage, d'accord. La sœur Laetitia de Yaoundé au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, Shalom. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. La sœur Laetitia dit bonsoir à toutes tes filles. Dis-leur que le Seigneur les aime. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Le frère Jean-Marie Begombo de Suisse, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Depuis tu es calme là comme si on menait le Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a, frère Jean-Marie? Ravi d'être parmi vous. Tu es calme là comme si on menait le Cameroun et comme le match va finir. Comme, tu sais, tu es non, non, non, non, j'observe, c'est la première fois. Ok, que le Seigneur te bénisse. Donc, si merci, tu, amen. Tu permets que je te présente à l'Assemblée, tu es un ancien lion indomptable du Cameroun. Oui, merci. Bonsoir. Ça te dérange, mon bonsoir. Frère? Bonsoir. Non, non, non, non, ça ne me dérange pas, pas du tout. Ça me c'est dérange pour ça que tu tout. Es calme comme Makanek et Cyril, tes anciens coéquipiers. Ah. Qui encore? La sœur Louise du côté de Madrid, elle est là, elle est connectée. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mes frères. Ça va? Je sais que la nouvelle technologie n'est pas ta panache, mais ça va aller, d'accord? La prochaine fois, on va te voir. Amen. Que Dieu te bénisse. Le frère Stéphane de Lyon en France, où est-ce qu'il est? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé, que Dieu vous bénisse à vous d'amour. Bonsoir. Bon, bonsoir, homme de Dieu. Amen. La sœur Camille. Bonsoir bon. À tout le monde. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très très bien. J'ai merci. Comme, j'ai l'impression que j'ai aperçu le frère Camille aujourd'hui avec la tête vraiment rasée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien, il est parti. Il y a un ami qui l'a appelé. Oui. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un qui est connecté. Okay. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Quelqu'un d'autre est connecté, donc je n'ai pas cité. Le frère Franck. Le frère Franck, du côté de Abidjan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère Julio. Shalom tout le monde. Comment va Abidjan maintenant? Ouais, ça va très bien. Le temps est calme ici. Ça va. C'est calme. C'est calme. Ouais, c'est calme. Il faut qu'on prie pour ton pays. Depuis des 2 ou 3 ans, j'ai parlé des groupes qui se forment à l'ouest du pays et qui vont se soulever contre le régime. Et ça se bouge là dans la forêt, d'accord? Ouais, ouais, le Seigneur nous interpelle ça aussi souvent, mais je vois ça en rêve. Ok. Et je sais qu'il y a un boom qui s'appelle, mais on ne sait pas de là ça vient. Ça vient de l'ouest là. Et puis dans votre armée, il y a quelqu'un qui est... La sœur Christiane Yankan, bonsoir. Bonsoir, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. C'est de la Belgique, c'est en Belgique aussi, n'est-ce pas? Oui, oui. Ne t'inquiète pas, comme ton mari a pris le PC, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça va, je suis connecté, c'est essentiel. Que Dieu te bénisse. Alors, amen, on va commencer. Amen, on va commencer. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. On va commencer. Il y a personne de l'Italie ici connecté? Y a-t-il quelqu'un de l'Italie là? La sœur Suzanne Claudon du Pays-Bas, bonsoir. Elle a dit tout à l'heure qu'elle allait coucher l'enfant. Ok, ok. Que Dieu la bénisse. Écoutez très attentivement, vous qui êtes en Europe, parce qu'il y a le sang qui va couler. Je vais donner les noms des pays. Vous m'écoutez, vous qui êtes là? On écoute, oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui. Ceux de la France, ceux de l'Allemagne et de l'Italie, vous êtes visés. Vous êtes dans le collimateur des groupes qui veulent faire couler le sang. Donc on va prier. En France, particulièrement, une prise d'otage. On va prier que Dieu dévoile le plan. Le stylo aussi. J'espère que vous allez les noter. Ceux de l'Allemagne. Faites attention, les lieux publics où les gens sont rassemblés. Et en particulièrement une école où il y a une cérémonie et puis quelque chose arrive là-bas qui crée vraiment, vraiment de désarroi. Ce n'est pas normal que les enfants vont pour prendre leur parchemin et puis là-bas il y a l'explosion pour tuer les gens. En Allemagne, en France, la prise d'otage particulièrement, il y a des bombes, mais la prise d'otage, cet enfant qui est innocent, il faut que Dieu les en délivre. Ces enfants, ils sont innocents, ils n'ont rien fait pour qu'on puisse venir dans leur enclos et puis on les prend en otage, commencer à faire des choses. Et puis, si les services d'intervention font ce qu'ils veulent faire, on s'explose avec tout le monde. Ce n'est pas normal. Prions que Dieu intervienne. On va prier. Je crois que c'est l'un des sujets phares de maintenant avant de toucher le cadre des chrétiens. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Sincèrement. Oui. Amen. C'est vrai qu'en Europe, ça va chauffer avec le sang qui coule, mais voici les points majeurs dont je suis en train de parler. Prise d'otage en France. En Italie, ça c'est le règlement de compte avec le gouvernement. Ça, c'est les explosions. Ça, c'est les explosions. C'est en Italie, ici. Et en Allemagne, je crois qu'on veut challenger et le gouvernement et d'autres groupes religieux là-bas. Donc, écoutez-moi. Un nouveau groupe va se lever en Europe avec la langue du dragon, le pied du léopard et les dents de lion. Ceci est plus farouche que tous les autres groupes qu'ils ont eu à combattre. ISIS, Al-Qaïda, un autre groupe s'élève, formé des jeunes et même d'anciennes personnalités de leur propre armée. Quelle est la conséquence de ceci? D'où est-ce qu'ils sortent? La France. L'Allemagne, vous autres qui êtes en Allemagne, évitez au maximum le lieu où les gens se rassemblent, où il y a des fêtes. Sinon, vous allez confirmer. En Allemagne, en Italie, c'est plusieurs explosions. Ça, c'est les gens veulent voir le sang couler. Et ceci est synchronisé, préparé minutieusement. Il ne faut pas que les gens laissent ceci faire. Parce que des gens sont au courant de ceci au gouvernement, mais ils laissent certaines choses arriver pour pouvoir justifier, légitimer leur position. Essayer d'utiliser ça comme action politique. C'est pas normal qu'on laisse des gens mourir alors qu'on les a sur écoute. Parce que ce que j'en ai dit là, ils ont ceci sur écoute. Mais ils essaient de suivre pour que ça puisse arriver, pour qu'ils utilisent ça comme alibi politique. C'est pas normal. Que Dieu vous bénisse. L'Italie, la France, l'Allemagne, c'est le cas phare là-bas. Il y a d'autres pays, ça va barder là-bas. Ça va barder. Donc nous allons prier pour que tous ceux-là qui sont là-bas et ceux qui sont chargés comme responsables de sécurité, que Dieu leur donne. Que Dieu leur donne l'habilité de pouvoir détecter ces choses avant que cela n'arrive. Qu'on puisse les mettre la main dessus avant qu'ils ne commettent leur forfait. Prions. Vous aussi ici, priez. Asseyez-vous là, tranquille, et prions. Ce sont les vies innocentes ici. Ce sont des vies innocentes ici. On vient attraper les vies innocentes alors que les choses qu'ils réclament n'ont rien à voir avec ces personnes-ci. Mais ils sont obligés d'attraper ceci pour faire parler les membres des partis politiques. Père, nous prions au Dieu de gloire pour ce pays. Nous prions particulièrement pour les repères. Nous prions au Dieu que tu fasses déjouer tous les plans de l'ennemi, des ténèbres, qui en veulent aux enfants innocents dans tous ces coins. Nous prions au Dieu de gloire que tu enlèves de leurs griffes tous ces enfants innocents et que tu déjoues leur plan. Que tu révèles au Dieu, tu mets à nu leur plan machiavélique afin que les services puissent y mettre la main dessus au bon moment. Père, préserve particulièrement ces enfants qui sont dans les écoles qu'on veut utiliser comme bouc émissaire. Seigneur, préserve-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, Seigneur, repose sur ces âmes innocentes. Donne-leur au Dieu de gloire de comprendre que tu es Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes, vous, les pays dans lesquels vous êtes positionnés, vous autres qui êtes à l'extérieur, priez vraiment le Seigneur chaque jour avant de sortir, afin qu'il vous préserve du mal. Priez, parce que vous pouvez tomber au mauvais endroit, au mauvais moment. Priez toujours avant de sortir. Recommandez votre vie toujours entre les mains du Seigneur et faites l'effort de vous arranger devant le Seigneur en sortant pour aller n'importe où. Pour que quel qu'en soit ce qui va arriver, que vous arrivez à bonne destination à la maison. Vous m'avez suivi, frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a les gens dans le... Ça, c'est maintenant, ce n'est pas pour vous, ça, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens dans les pays musulmans. Les musulmans, les hauts imams à qui le Seigneur Jésus-Christ s'est déjà révélé. Donc, bientôt, il y aura l'explosion de l'évangile chez les musulmans. Amen. Amen. Vous saurez, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Il y aura l'explosion. Vous allez voir que même les grands imams qui jadis prêchaient la charia seront mis au devant des feux de projecteurs. C'est-à-dire que on va menacer en les traçant avec la vie, mais la main du Seigneur est derrière eux. Nous allons prier donc, de ce pas, pour les chrétiens qui sont dans les pays musulmans. Parce que ça va amener la persécution. Même ceux qui sont dans la religion, tout simplement, on va les persécuter là-bas, que c'est vous qui avez fait ces choses. Alors que c'est Jésus lui-même en personne qui est venu. Donc, là où nous sommes en train de parler, ils sont nombreux comme ça. Ah, vous parlez du téléphone. Ou le Seigneur Jésus dit, toi, va voir telle personne, je lui ai parlé. Il parle de bouche à bouche. Jésus ne passe pas par quelqu'un. Il lui parle, ils se connaissent entre eux. S'ils écoutent cette voix, ils sauront effectivement que le même Seigneur qui les a apparu m'a parlé de ceci. Alors il y a donc les grands imams, les plus grands, ceux qui ont écrit et retouché le Coran que le Seigneur Jésus-Christ a touché. Donc il est en train de travailler avec eux dans le secret. Bientôt ils seront révélés. Amen. Les enfants de Dieu se trouvent chez les musulmans aussi. Amen. Il va les amener. Amen. Il va les amener. Je vous avais dit dans un autre enseignement un jour que j'ai vu un style de réveil chez les témoins de Jéhovah. Vous vous souvenez? Amen. Chez les témoins de Jéhovah, la guérison qui commence à se passer, où les gens n'ont pas le choix que d'admettre que voici la guérison. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour enlever ses enfants qui sont dans tous les groupes? Donc nous allons prier pour les chrétiens qui se trouvent dans le monde musulman. Que Dieu leur... Parce qu'il y a les religieux là-bas que lorsque ça va arriver, la personne va arriver, ils vont aller du côté de l'islam, on va croire peut-être que ce sont les chrétiens. Prions que Dieu leur donne de manifester sa gloire jusqu'au martyr. C'est ce qui va arriver, d'accord? Prions, frères, prions pour ceux qui sont dans le pays arabe, les chrétiens qui y sont. Père, merci pour ta grâce que tu accordes à tes enfants. Merci, Père, de gloire pour la grâce que tu accordes à tes enfants. Merci pour ta grâce que tu accordes à tes enfants. Merci pour ta grâce, Père. Tu leur achètes dans la force, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, de te marquer, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Tu leur achètes dans la force, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Que ton nom se soit élevé, que ton nom se soit manifesté dans ce pays. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Il y a même les musulmans qui nous écoutent et qui savent que ceci est vrai, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'autres qui ont cru, mais même étant dans la mosquée, ils y restent à cause de la persécution qu'ils pourraient subir parce qu'il n'y a personne tout autour de lui qui peut savoir. Là, il est en plein mosquée, mais il croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, ils sont nombreux. Le moment arrive où le Seigneur va leur donner l'audacité de parler et personne ne pourra leur mettre les mains dessus. Ça arrive, la révolution arrive, c'est la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous alors maintenant, préparez-vous. Ceci, c'est un signe pour vous montrer que nous sommes en train de vivre des moments glorieux pour l'Église. Nous sommes ici, nous avons tout, Internet, nous avons tout, nous marchons, nous allons au champ, nous travaillons, nous rentrons librement. Eux, ils sont prisonniers de leur propre tradition. Prisonniers tout simplement parce qu'ils sont nés dans une région où on est arabe. Prisonniers. Du fait qu'ils ne doivent pas remettre. Chez Laetitia, la sœur Laetitia, chez toi, il y a des bruits là-bas. Je crois que c'est ta mamie qui brûle. Prisonniers tout simplement du simple fait qu'ils sont arabes. Prisonniers du simple fait qu'ils ne doivent pas repenser ou dire quoi que ce soit contre ce que l'imam a dit. Alors que Christ Jésus, notre Sauveur, nous a appelé à la liberté. Amen. Vous voyez que vous êtes libre là de chanter, après arrêter l'autre et chanter, n'est-ce pas, frère? Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler dans les cœurs. Ce qu'il veut dire, c'est que nous, donc, qui avons la grâce d'avoir cette parole-ci et tous ces enseignements-ci, combien nous devrions être reconnaissants du fait Amen. D'avoir cru à la vérité. Amen. Combien? Écoutez très attentivement. Le miracle ne peut pas vous sauver. Vous savez ça? Alléluia. Le don spirituel ne peut pas vous sauver. Mais ça peut vous amener à savoir comment être sauvé. Mais c'est la vérité qui vous a franchi. Vous suivez ça? Donc vous avez la vérité. C'est suffisant pour rendre grâce et gloire à Dieu tous les jours de votre vie. Amen. Il y a des gens à côté de vous qui souhaiteraient connaître ces choses-là, mais n'ont pas l'opportunité. Pourtant, ils sont tous à côté de vous. Il faut que le voile qui couvre le cœur soit ôté par le Seigneur Jésus pour qu'il puisse comprendre. Vous êtes là, vous avez cela. Combien on doit lui être reconnaissant. Vous êtes avec moi dans le monde entier, vous tous. Vous tous qui m'écoutez dans le monde entier. Amen. Amen. Quelle que soit la situation que vous traversez, cette situation-là ne peut pas vous enlever le salut. Amen. Quels que soient les problèmes que vous expérimentez, c'est uniquement utilisé par Dieu comme moyen pour vous perfectionner dans votre marche chrétienne. Amen. Et par conséquent, le Saint-Esprit veut que vous ne vous focalisez pas sur votre problème, mais vous focalisez sur le Seigneur Jésus qui résout ces problèmes-là. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez me saisir ce que je viens de dire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que vous ne vous focalisiez pas sur votre problème, mais sur celui qui est au-dessus des solutions et des problèmes. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le Saint-Esprit vous dit actuellement, vous tous qui m'écoutez, que à partir de maintenant, à partir de ce jour, quand vous entendez cette voix, bannissez les inquiétudes sur votre cœur. Amen. Amen. Amen. Bannissez les inquiétudes. Ne laissez rien venir faire, venir être comme un frein à votre marche chrétienne. Amen. Ce n'est pas du fait que le Seigneur ne vous a pas répondu sur tel ou tel sujet que c'est pas ça qui vous enlève le salut. Amen. Vous avez le salut. C'est la plus grande des bénédictions que vous pouvez avoir sur la terre. Être sauvé par lui. Amen. Rendons grâce à Dieu pour toutes les difficultés qu'il nous accorde dans nos vies. Ouvrons la bouche, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Seigneur, merci pour tous les sujets, toutes ces prières non répondues. Merci pour tous les blocages, pour toutes les difficultés. Merci pour toutes les fois, ô Dieu, où nous n'avons pas eu réponse à nos prières. Merci pour toutes les fois, ô Dieu, où tu nous as refusé consciemment dans ta souveraineté ce dont nous avons demandé parce que tu savais que ça allait nous perdre. Merci, Père. Merci pour toutes ces choses, ô Dieu, que tu utilises dans nos vies pour nous maintenir à toi. Seigneur, une prière non répondue, une difficulté non solutionnée ne me poussera pas à te régner car tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Tu n'es pas mon Seigneur à cause de ma guérison. Tu n'es pas mon sauveur à cause de la bénédiction. Tu m'as aimé et tu m'as sauvé. Merci Père de gloire. Merci d'avoir fait de moi, ô Dieu de gloire, un de tes enfants. Qu'ai-je fait pour mériter cela, Seigneur? Tu m'as connu avant la fondation du monde. Tu m'as prévu, ô Dieu de gloire, dans ton plan. Je te dis merci pour toutes ces choses. Seigneur, je te dis merci pour toutes les difficultés. Par elle, ô Dieu, tu nous fortifies. Par elle, ô Dieu, tu fortifies les bras lorsque la chair devient faible. Tu utilises ces moyens pour nous fortifier à toi et pour nous amener dans la foi. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer. Ouvrez votre livre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Chapitre 3. Je crois que la connexion est finie là. Ça veut dire que Dieu a voulu que ceux-ci écoutent ce qui les concernait. Donc ça les concerne. Nous sommes ici, nous mangeons maintenant en famille. Et ça, n'est-ce pas, frère? Comment? Où ça? Ah, on va donc ici. Tu peux connecter par le fil. Mais connecte dans là. Viens. Actes chapitre 3. C'est où? filles ici. Il faut faire comment? C'est le chapitre 3. Soyez en prêt, on va lire et puisse le Seigneur nous donner un sujet maintenant. Tu as le mot de passe de ça, n'est-ce pas? C'est majuscule là. Oui. C'est en majuscule ou c'est en minuscule, mon cher, ta clé en majuscule, hein. Ça ne donne pas, c'est pas ça. 21-07. Donne pas mon cher. Acte chapitre 3. Qui n'a pas de Bible ici? Tout le monde a la Bible, c'est ça? D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez la voir. Il faut allumer là-bas dehors. Bon, n'est-ce pas vrai? Okay. Acte chapitre 3. À partir du verset 1, suivez attentivement. Vous avez noté Acte chapitre 3, n'est-ce pas? Mais tout sur le chapitre 4, on va lire doucement. Vérifiez que les vos téléphones ne soient pas ouverts pour que nous lisons et que nous travaillons en paix. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Écoutez très attentivement. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, demanda l'aumône. Pierre, De même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Je vais parler un instant de la puissance disposée pour l'Église. La puissance disposée pour l'Église. La puissance disposée pour l'Église. Jusqu'ici, on n'est pas en train de fonctionner avec le niveau de l'autorité qui nous est délégué. Il y a un pourquoi, d'accord? Il y a des choses qui créent handicap. Dans les enseignements, on en a vu, et c'est ça, je vais encore rappeler quelques-unes de ces choses-ci. Ceci va nous conduire quelque part, cet enseignement, ça va nous conduire quelque part forcément. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est notre jour, ça va nous conduire dans un style, ou bien un style de fonctionnement. Un style de prière, je ne sais pas comment, ça va nous conduire quelque part. La puissance disposée pour l'Église. Notez Éphésiens chapitre 3 également. Notez cela. Si vous avez noté, notez Actes chapitre, chapitre 8 et chapitre 14. Notez. Si il est 20h40 là, si le temps passe, je souhaitais vraiment développer cela doucement, doucement. On est ensemble là. Éphésiens chapitre, le chapitre 3. Actes chapitre 8. Et chapitre 14. L'apôtre Pierre et Jean montent au temple. Mais je veux que vous observez quelque chose. Il y a Jean, il y a Pierre. La Bible déclare qu'ils sont arrêtés. Ils sont ensemble. On parle des gens qui a écrit le livre des Jean et Apocalypse, là, vous connaissez, n'est-ce pas? Et Pierre, il marchait avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'il avait régné. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu es Pierre, sur toi, je baptiserai mon église. Pas l'église catholique du Vatican, d'accord, frère? Alors, ils vont au temple. Écoutez, soyez attentifs. Ils vont au temple. Ils voient un homme à l'entrée qui était là depuis des années. Je ne sais pas ce que c'est. Il est là depuis des années avec cet handicap qu'il avait. Dieu a préparé cet handicap pour sa gloire. Dieu a préparé cet handicap pour sa gloire. Comme il avait déclaré dans Jean chapitre 9. Si vous lisez, vous avez lu Jean chapitre 9. Un jour, il a trouvé un homme là qui était aveugle de naissance, paralysé de naissance. Ça pose problème aux êtres humains. Comme beaucoup de choses nous posent problème. Dans l'être humain, normalement, on souhaiterait que si tu fais du bien, qu'il n'y ait pas quelque chose de mal qui t'arrive. Ça dit que les gens se posent des questions que toi qui es chrétien, pourquoi tes situations sont si perdues dans ta vie? Toi qui es chrétien, tu dis que tu prêches Dieu. On a vu même dans le film de Jésus, comment Jésus guérissait le malade. Pourquoi toi-même tu n'es guéri? Guérit pas. Un être humain n'a pas le pouvoir pour guérir. Un être humain ne possède pas le pouvoir de guérison. Seul Dieu est le guérisseur. Amen. Vous suivez cela? Amen. Maintenant, pour qu'il quitte dans sa pensée, dans son royaume céleste et qu'il opère une guérison sur la terre, il a un pourquoi. Et s'il le fait, il a un pourquoi, il a voulu que celui-là soit sur la terre comme ça. En fin de compte, c'est pour que son nom soit glorifié. En fin de compte. Vous savez cela, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Alors l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre allaient au temple à l'heure de la prière. Ils sont tenus là. Il dit, regarde-nous. Cet homme les regarde. On dit, cet homme pensait recevoir quelque chose d'eux. Ça veut dire que les gens sont passés dans ce même endroit, aller au temple pour aller prier. Ils partaient prier Dieu, pas Satan. Nous sommes d'accord? Cet homme-là était un juif, n'est-ce pas, frère? Mais cette chose-là lui est arrivée. Mais il était tenu devant le temple où le nom de Elohim est invoqué là-bas depuis des années. Pas vrai? Quel qu'en soit le cas, la gloire de Dieu peut se manifester là-bas, mais il a cet handicap en lui. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être malade, un temps pour être guéri. D'accord? Et même si Dieu ne te guérit pas, il a un pourquoi. Souvenez-vous de la parabole de Luc, de cet épisode de Luc au chapitre 16, verset 19 au verset 32, du riche et de Lazare. Vous vous souvenez? Le riche a été riche sur la terre jusqu'à ce qu'il est mort. Le pauvre a été pauvre jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort dans la pauvreté, ça n'a pas empêché qu'il entre au ciel. Donc l'handicap sur la terre ne t'empêche pas d'entrer au ciel. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez verset 45 jusqu'à 53, 55, vous remarquez que la Bible déclare que le corps est semé infime, il ressuscite glorieux. Vous voyez cela? Donc, le fait que tu aies un œil, un pied, ou bien tu es tordu, quand tu vas ressusciter, tu ne resusciteras pas tordu. Amen. Parce que c'est un nouveau corps. Vous voyez cela? C'est ici, c'est dans ce corps de mortel que le venin du péché est entré. C'est ici que le venin du péché est entré. C'est ça qui crée cet handicap-ci. Et comme le venin du péché est dans le monde, ça peut prendre n'importe quelle tournée dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, c'est des personnes qui ont le pied comme ça, avec les mouches partout. Vous dites, comment cette terre de personnes s'y peut dormir? Vous voyez l'autre, il est tordu tellement que sa bouche ne se ferme pas. Vous dites, comment cette terre humaine s'y va? Vous voyez, quand vous voyez ça de vos yeux, vous avez la miséricorde sur votre cœur, mais vous ne pouvez pas l'aimer plus que Dieu qui l'a créé. Son âme qui est à l'intérieur n'est pas tordue comme ça. C'est la chair qui a été déformée. Le venin de Satan l'a handicapé ainsi pour montrer à Dieu que je vais pervertir ta création. Mais Dieu est tout puissant. En un clin d'œil, il peut commander et la chose change. Pourquoi ne le fait-il pas? Quelqu'un peut-il l'accuser? L'handicap vient maintenant au niveau de notre foi, notre façon de réagir vis-à-vis de ces situations. C'est-à-dire que quand nous voyons ces choses devant de nous, comment nous réagissons? Donc quand nous marchons journellement, nous rencontrons des gens handicapés, des gens qui souffrent. Vous voyez que vous étiez sur le point de demander à Dieu que Seigneur, pourquoi depuis je suis au chômage? Vous voyez que votre problème de chômage n'est rien comparé à cette personne. Amen. Parce que même si cette personne est qualifiée n'importe comment, on ne peut pas l'employer dans cette condition-là. Mmh. Toi, tu as deux pieds, deux yeux, mais tu te plains encore devant le Seigneur. Vous voyez effectivement qu'en réalité, on ne devrait pas se plaindre, pas vrai? Amen. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit pour rendre grâce à Dieu tous les jours. Je vais parler donc de la puissance que dispose l'Église, c'est-à-dire qui est mise à la disposition de l'Église. D'accord? C'est ça dont je vais parler. Mais je vais seulement vouloir expliquer cette chose avant d'y avancer. Pierre et Jean s'arrêtent donc devant ce temple-là. Ils voient ce monsieur qui est couché. Ce jour-là, dans les cieux, est décrété comme ce jour pour son jour. Ils ne s'amusent pas là. Ils ne sont pas arrêtés pour rien. C'est le Saint-Esprit qui les y a stoppés. C'est le Saint-Esprit qui les y a stoppés. Le Saint-Esprit les a arrêtés là pour manifester la gloire de Dieu. Et plus tard, dans la suite de la lecture, nous allons voir à quoi cette gloire-là amène. L'Église, la branche physique visible de l'armée céleste. Vous me suivez, frère? Amen. Alors, l'Église a quelque chose derrière. L'Église. Le corps de Christ est puissant. Le corps de Christ est puissant. Pour que quelqu'un dise que le Saint-Esprit ne se manifeste plus, il ne doit plus se manifester, il se manifeste dans la peau, ça veut dire qu'il y a un moment donné pour Jésus que ce n'est plus puissant. Ça n'a pas de sens. C'est dire que le Saint-Esprit ne se manifestera plus, veut dire qu'il y a un moment donné où Jésus que ce n'est plus Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, son fonctionnement, son corps est identique. Son corps, il n'y a pas de corps de Christ sans puissance. Ça ne se fait pas. Parce que lorsqu'il a commandé d'attendre, il a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la puissance encore. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la puissance. C'est quand même terrible. Dis à ton voisin, la puissance disposée pour l'Église. La puissance. Donc, si une église locale fonctionne sans la puissance du Saint-Esprit, c'est le lieu de pipi de Satan. Donc, il y a des résidus de Satan là-dedans. Il faut que ça quitte. Je vais prêt. Amen. Voilà. Alors, nous avons un problème. Lorsque nous rencontrons des choses, ces choses-là qui nous challengent, qui challengent notre foi, nous devons nous interroger. Est-ce que nous faisons notre rôle de sel ou de lumière? Si c'est non, qu'avons-nous à faire, que nous devons faire? Ou mieux encore, où est-ce que nous avons fauté? Ce sont les questions que nous devons répondre. Parce que quand le Seigneur est en train de nous montrer ici qu'il y aura un challenge dans le camp musulman, les musulmans vont se lever, remplir le Saint-Esprit, faire l'œuvre de la croix, toi qui es 20 ans dans la foi, tu vas dire que merde! Mais si tu ne fais pas attention, la jalousie va te pénétrer. Amen. Vous ne faites pas attention, Dieu va commencer à utiliser quelqu'un, vous allez être jaloux au lieu de glorifier le Seigneur. Amen. Jaloux pourquoi? Tu vas dire, je suis 20 ans dans la foi, il veut me montrer quoi? C'est pas lui, c'est Saint-Esprit en lui. Donc, le combat, c'est le combat du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, réveillons-nous maintenant. Réveillons-nous maintenant. La puissance dans le Saint-Esprit, c'est là dans l'église. C'est réside là, c'est pas, c'est nulle part, ça se trouve là-dedans. Il y a seulement quelque chose qui fait. Remarquez très bien si vous lisez le livre des Juges au chapitre 6. Vous allez remarquer que quand les Juifs sont sortis de l'Égypte, Dieu leur avait donné des instructions claires dans le livre des Juges au chapitre 6. Vous connaissez l'histoire des Gédéons, c'est ça? Alors il s'est tenu là, il a été tapé le froment. Pourquoi il tape le froment? Les Juifs récoltaient chaque fois quand la saison de pluie arrive, ils travaillent le sol. Les mandanites font les dents comme ça. Ils restent tranquillement chez eux. Les Philistins font les dents tranquillement, ils restent chez eux, ils cultivent. Quand ils finissent de cultiver, ils arrosent bien, ils enlèvent les herbes. Le moment où ils récoltent, ils ne dérangent pas. C'est quand ils mettent dans le sac que les gars se posent et disent que donne-nous la récolte. Vous entendez ce que ça peut faire, frère? Tout votre temps que vous avez passé à vous, frère, à labor, à travailler, de toute votre force, quand vous finissez de récolter, le temps de mettre à la maison, de manger, l'ennemi veille dans la maison. Et tu n'as pas le choix, il est puissant que toi. Alors, Gédéon était là comme ça, il tapait, il battait le froment, il bat le froment en regardant si le mandarin vient, il bat pour qu'au moins le sarci ne bougera pas d'ici. Il bat. Moi, j'ai des étiens là, tu l'as dit que vaillant héros, tu es trop fort. Tu veux cacher les greniers, n'est-ce pas? Il dit, toi, c'est qui? Alléluia. Il avait trouvé des stratégies pour contourner l'ennemi. L'ennemi ne se contourne pas comme ça dans ce combat spirituel. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Donc, il dit que. Frère Gignon, l'évangile que tu prêches là, c'est vrai. Les persécutions là, je vais te soutenir dans ton ministère. Pour que tu parles, même si on te persécute, nous sommes derrière toi. Vraiment. Hein? Tu es chrétien. Vous êtes chrétien. Oui. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour que je vous forme, pour que vous-même vous entrez dans vos propres ministères. Amen. Voilà pourquoi je suis là. Si on m'enlève de la scène, c'est que vous allez manger là. Tu vois, maintenant, dit que Frère Gignon est où? Je ne suis pas éternel. Vous allez me dire que maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu vas savoir ce qu'il faut faire. Même si vous ne comprenez pas maintenant, je quitte la terre, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous devez vous réveiller. Vous entendez cela, frère? Vous devez vous réveiller. Vous n'allez pas former et accrocher votre foi sur quelqu'un. Votre foi doit être littérale, c'est que vous soyez n'importe où vous puissiez vous réussir avec le Seigneur. Ça doit être ainsi. Pas sur un être humain, pas sur un groupe. Dieu peut saccager ici maintenant, je me trouve en Europe, je me trouve dans n'importe quoi. Vous allez attendre que je revienne pour que vous marchiez avec le Seigneur. Vous devez vivre constamment, permanemment et de façon intime avec le Seigneur en quelque lieu que vous êtes. D'accord, frère? Amen. Quand vous venez ici, n'est-ce pas, Actes des Apôtres, vous avez lu, vous avez ça dans votre Bible, non? Vous devez rechercher la face du Seigneur. Recherchez. Recherchez cette intimité avec le Seigneur, cette connexion-là, pour que ça ne se coupe pas. C'est le secret là-bas. Le secret réside dans le contact avec le Seigneur. Il n'y a pas deux. Le secret. Et tout fonctionnement spirituel pour réussir réside dans le contact avec le Seigneur. Tu es en contact avec le Seigneur, il va dire monte, tu montes. Descends, tu descends. Stop, tu stop. Va ici, tu vas ici. Quand cet ordre-là est donné, tu es connecté avec les cieux. Mm-hmm. Vous suivez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il ne s'agit pas de réciter, de prier sur la terre, de faire des récitations ici, sur la terre. Il s'agit d'être connecté avec le ciel. C'est-à-dire que quand tu vas quelque part, que le ciel sait que tu es là. Pour que David se présente dans la foule, il dit qui est cet incirconcis qui ose insulter la main des cieux? Quand il a dit ça, tout le ciel était attentif à l'événement qui devait se passer là-bas. Tout le ciel était attentif à ce qui devait se passer là-bas. Il devrait savoir qui il est pour s'avancer devant un Goliath et regarder un géant. Il regarde, il ne voit pas de difficultés. Alors que d'autres qui étaient des vaillants guerriers, qui étaient aguerris et allumés dans la bataille, ont vu comme ça les gars pisser dans la culotte. Un jeune garçon se tourne et regarde, mais c'est qui ce farfelu qui ose insulter la main des cieux? Dieu, mon ami, il ne parle pas pour si longtemps, là, il va courir vers toi. Il dit, qui celui-ci? On va me donner quoi? Celui qui va le terrasser. Son grand frère lui a dit que, mon ami, on comprend ta combine, rentre à la maison. Un petit pisseur de caleçon comme ça. On est ici depuis, on a combattu jusqu'à on est gonflé, on a les mains gonflées, on a fait les pompes sur le champ avec pectoraux, tout le pectoraux. Tu vois, ton voisin, dans le combat spirituel. Ce n'est pas le pectoraux. Ni les abdos aux abdales. Ils ont porté les muscles, portés. Pour aller confronter. Là, il fallait être connecté avec le ciel. Amen. Saül a cherché la connexion, ne peut commencer à pas venir. Cherchez, ne peut commencer à venir. Cherchez la connexion avec le ciel, frère. Amen. Sinon, vous serez battu dans toutes les batailles. Amen. C'est la connexion avec le ciel. Quand vous êtes avec une connexion avec le ciel, les difficultés seront là. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu va toujours dire fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, je suis avec toi. Donc, ça veut dire que quand tu vas, quelqu'un vient dire que Josué, tu t'entends qui ici dehors. Il voit seulement Josué, pas vrai? Mais Josué est avec quelqu'un d'invisible. Amen. Parce que Josué est connecté à celui-là. Il ne t'ai-je pas dit, fortifie, te prends courage, ne crains point. Je suis avec toi. Tout plan, tout. Vous savez, seulement prendre la partie, on dit tout plan, tout lieu, où foulera ton pied. Tu ne prends pas la partie fortifiée, tu dois prendre courage. Quand il dit fortifiée, tu prends courage, il y a des difficultés qui arrivent. Il y a des blocages. Il s'est tenu là. Il a commencé à taper le sur le fromage. Je parle de Jésus, de Gédéon. Il tape sur le fromage. Dieu dit, va avec cette force que tu as. Remarquez-toi, c'est là où je vais en gagner. Il a dit, va. Il n'a pas dit, je te donne la force. Il dit, avec cette force que tu as, pas que tu auras, tu as. Délivre Israël. Regarde comme ça. Regarde si tu blagues. Avec quelle force? On nous a raconté les livres d'histoire que moi j'avais soulevé le bâton. Tu me donnes même pas le bâton. Que l'autre a fait comme ça, waouh, la main s'est ouverte. Tu me dis que j'ai la force. Il a fait une table de fromage, il avait la force. Avec cette force que tu as. Vrai, est-ce que c'est Dieu, c'est toi qui me parle? C'est mon choix, s'il me met là-bas, c'est que l'autre homme là-dessus. Ah! Vous parlez, vous allez éprouver. Et Dieu va vous éprouver. La seule possibilité que vous ne fassiez pas partie, c'est qu'il ne vous ait pas élu. Si vous êtes élu, vous montez de toutes les façons, vous allez entrer dans cet engrenage-là. N'est-ce pas, frère? Amen. Chacun va jouer son rôle. David s'est présenté là. Quand cet homme-là a parlé, David n'entendait pas le même son. Il s'est tourné, il a dit, qui est-ce qui peut, si, qu'est-ce que le roi a prévu pour donner à ces personnes qui vont terrasser ces rois? Et peut-être attentivement, chaque combat de gagner avec l'écluse des cieux vont donner gloire à Dieu pour des événements futurs. Il s'est tenu là. Le roi lui a dit, ok petit, plus le Dieu d'Israël soit avec toi, parce qu'il savait que c'est le combat d'ordre spirituel. Le gars est venu avec l'onction de Dieu sur lui. Ça a apporté les armures lui donner. Vous savez ce qu'on a dit là? Ça veut dire que tu vas confronter un esprit envoyé de Dieu. Et tu arrives à vous. Les théologiens te confrontent encore. Ils te donnent encore des armes. Frère, j'ai fait la démonologie. Quand le démon fait confiance, c'est le serpent. Donc quand il faut, on dit esprit le serpent. Si vous pouvez esprit le serpent, pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit? Ça lui a encore porté le gros. Il prend ceci, tu vas te battre. Il a donné le couteau. Donne-le, il a porté celui. Le gars bougeait deux fois dans sa pèse. Ah, il dit non, je ne suis pas accoutumé. Donc, ces choses-ci, je ne suis pas accoutumé aux écoles bibliques. Il n'a pas dit, c'est ce qu'il voulait dire. Non, je ne peux pas m'asseoir sur le banc pour que tu me dis que 1 plus 1 va donner Z. Non, non, non, non. Il dit, je ne suis pas habitué. Je suis habitué à maintenir quelque part le sein de tout mutuel. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que là, c'est 1, ça veut dire. Il dit, je ne suis pas accoutumé à ces choses. Je ne combats pas. Le gars dit que quoi? Celui-ci, il est à merguer. La Bible déclare que seulement le. Vous savez, les javelots qu'il portait, c'est un homme qui portait au devant de lui, mais c'est tellement ça pèse. Ça veut vous porter comme ça qu'on lance ou bloquer le caillou. Pour lui, c'est un homme qui portait. Tellement ça pèse, parce que sa hauteur était gigantesque. David s'est tenu avec sa foi, avec sa diversité. Israël était de ce côté-ci. Ceux qui avaient été dans la région depuis, aguerris au combat, utilisant les méthodes qu'ils avaient toujours appris, maîtrisant cela, mais chaque combat a une unicité de résolution quand Dieu veut. Dieu ne combat pas de la même façon pour tout le monde. Cette tenue là, il a lancé au caillou, il dit que tu as insulté, pas David, mais la main du Dieu d'Israël, c'est son nom, c'est à cause de lui, je vais te jeter ton tête là, c'est les oiseaux qui vont manger aujourd'hui. Il a tourné la fronde comme ça, tourné, quand il a fait vop, le Saint-Esprit a pris cela, pénétré ça dans sa tête, le Saint-Esprit, il n'a pas raté une fois pour le gars dire qu'il va te tuer. Non, la première fronde, le premier caillou, le Saint-Esprit a pris logé directement dans sa tête, n'est-ce pas frère? Amen. Maintenant, David s'est prononcé là, quand il a marqué un pas, le Goliath a marqué un pas. La Bible déclare, Goliath avança, David courut. Il voulait que le combat s'achève rapidement. Jeune garçon. On dit, comment ça s'appelle? Le Goliath a marqué un pas, David a couru vers lui. Vous entendez ça, frère? Il a couru vers la difficulté. Il n'a pas marché, il a couru. Quand il vient, le garçon regarde, c'est quel maigrichon qui est courageux comme ça? C'est tout, il se tourne vers la foule, il dit, mais vous m'envoyez un nourrisson avec des bâtons, alors que David avait un seul bâton. Il a commencé à voir que les gens ont des bâtons devant lui comme ça. Il croyait que c'était l'illusion qu'il voyait. Alors, tu marches contre moi avec le javelot, tu marches avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous voyez cela, c'est donc, il était connecté. David ne venait pas avec sa force. Parce que s'il avait sa force, on l'écrasait comme un charognard. Il vient au nom de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il a été envoyé. C'est-à-dire la connexion avec lui, l'Éternel, s'est établie. Et quand c'est établi, quand il marche, tout le royaume des cieux est avec lui. Nous trouvons dans le temple, l'apôtre Paul, Pierre et Jean se trouvent là-bas. Ils se tournent, dans le chapitre 3. Nous n'avons pas recommencé, je suis en train de parler depuis, nous sommes au verset 3. La Bible déclare que Pierre se tourna avec Jean. Cet homme a espéré attendre les mêmes pièces qu'il entendait. Mais Dieu n'est pas conventionnel. En lui donnant 100 millions là-bas, ça ne résoudrait pas le problème. Dieu devait le rendre. Lui rendre ses membres afin qu'il sache désormais vivre comme tous les restes. Amen. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te la donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché, frère. Maintenant, écoutez très attentivement. quand l'apôtre Pierre dit ce qu'il a, où est-ce qu'il a pris ça? C'est ce qu'il a dit, non? Il n'a pas dit, Seigneur, je te prie que tu guérisses. Il a dit, ce que j'ai. J'ai beaucoup compris. C'est là que je tire le sujet de l'enseignement. La puissance disposée pour l'Église. L'apôtre Pierre a dit, ce que j'ai. Alors dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de dons spirituels, de biens spirituels, dans les lieux célestes en Christ. On a des biens dont on nous a bénis, qui sont à notre disposition, dont nous n'exploitons pas. Béni soit, écoutez encore cela, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Gardez ceci, ce mot à l'esprit. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes en Christ, amen. Vous êtes plongé dans cette bénédiction. Amen. Donc il y a des choses en réserve pour nous. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut citer comme bénédiction spirituelle? Donnez-moi un exemple. Vous ne voulez pas que je parle, je m'arrête. Si vous êtes fatigué, vous me dites j'arrête. Je ne vais pas vous me révéler comme ça. Donne des guérisons. Comment, frère? Donne des guérisons. Qu'est-ce que vous avez encore comme bénédiction spirituelle? Vous pouvez citer la foi. La foi. Chasser les démons. Continuons. Dans des prophéties, on dit qu'on les a. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On chasse les démons dans les lieux célestes, frère. On guérit les gens au ciel. Non. C'est haut. Donc ça veut dire que c'est disposé pour nous. C'est disposé pour nous, pour que nous les manifestions ici. Et dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. La puissance disposée pour l'Église. L'Église va bouleverser la terre. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment qui va se lever pour entendre marcher. Vous dites, vous êtes en Christ, vous avez des dons spirituels qui sont en réserve pour vous. Il faut seulement qu'on puisse vous dire comment y accéder. C'est ce qu'il faut faire. Ce qui peut nous empêcher d'avoir accès. Ici, l'apôtre Pierre dit clairement, il n'a pas dit, Jean, qu'est-ce qu'on fait? Cet homme-ci-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et ils sont tournés vers cet homme. Ils n'ont pas dit, tu paies tes dîmes offrandes quand on verse la pièce ici. Sache que si on fait 10 pièces, une pièce, c'est ce que les prédicateurs d'aujourd'hui diraient. Quand tu viens lui rendre visite, première chose, c'est que est-ce que tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes? Où est ton carnet? Qui t'a baptisé? Ta carte d'identité chrétienne est où? C'est quel évêque qui t'a confirmé? Qui est ton père spirituel? Je crois que c'est parce que tu volais l'argent de l'église que le truc persiste. On n'a pas posé toutes ces choses religieuses dont nous avons fait avec nous comme bagage normal aujourd'hui. Vous avez remarqué, frère? Il n'a pas demandé quel est ton nom, quel est ton parrain. Quand tu étais petit, est-ce qu'on t'avait consacré? Quel est ton nom, ton saint patron, c'était quoi? Il n'a pas posé ces bêtises que nous avons aujourd'hui. Il a dit ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons. Souvenez-vous, il monte avec Jean. Pierre n'a pas dit ce que nous avons, mais ce que j'ai. Jean n'a pas dit que Pierre, même moi aussi, j'ai. Personne n'a été jaloux parce que chacun a sa place, chacun a son rôle. Je voudrais souhaiter passer du temps et vous en parler de ces choses-ci. Chacun a tout simplement sa place. Jean n'a pas dit que, mince, c'est la dernière fois qu'il marche avec toi. Pourquoi tu t'inclus, moi, mais tu m'exclus? Il a dit ce que j'ai. Quand il a fini, Jean n'a pas ouvert la bouche ici. Mais souvenez-vous, dans le ministère des tapages, on va les taper ensemble. Alors, souvent, on va les voir en bas là-bas. D'accord, frère? On va les voir ensemble. Quand on va chicoter, on va les chicoter ensemble. Jean n'a pas dit que c'est lui qui avait dit qu'il a guéri. C'est. Parce qu'il savait que Jean et lui faisaient partie intégrale du même corps. S'il agit, gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit passe par lui pour agir, gloire à Dieu. Maintenant, regardez l'écriture qu'il nous a donné dans l'Apocalypse qui crée le problème jusqu'à aujourd'hui. À Pierre, lui aussi, Dieu n'a pas donné cela. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il dit bien, l'Apocalypse que nous lisons chaque fois que vous, le plan sont détaillés. Les choses que Dieu a montrées à Jean, il n'a pas montré à Pierre. Regardez ce qu'il lui a montré, ça a enlevé même dans le ciel, lui montrer. Pas vrai, frère? Amen. Ça, il n'a pas montré à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre s'est dit, tiens ici, c'est ce que j'ai. Jean lui-même ne se fâche pas. Mais, et aujourd'hui, Tu pries pour quelqu'un, il guérit. L'autre vient encore te saboter. Tu veux faire telle ou telle chose, mais te saboter. Ces choses-ci causent des griffes contre le Saint-Esprit. Il faut donc que nos autres corrigions cela pour ne pas faire les mêmes choses que les autres ont fait. Amen. Donc, en clair, écoutez tout attendre. Voici la voie de sortie. Tout ce que vous avez fait qui pourrait renverser la voie du Saint-Esprit, vous devez nettoyer cela. Il faut la correction. Il faut la correction. Vous savez, quand vous mettez le fusil pour tirer, une seule petite respiration peut faire vous rater le tir. Une seule petite respiration, vous ratez le tir. Une seule petite respiration. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire tout simplement que pour ne pas rater le tir, il faut caler la respiration. N'est-ce pas, frère? C'est-à-dire qu'il faut empêcher ce qui peut faire rater le but. N'est-ce pas? Alors, Pierre se tourne là, il dit que regarde-nous. Il a dit regarde-nous. Donc, lui et Jean étaient côte à côte, fixant le paralytique. Pierre ouvre la bouche, ça sort, il ne dit plus ce que nous avons. Il dit ce que j'ai. J'ai. Et regardons encore ça, je ne dis pas que c'est moi qui dis. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde quoi? Non. Ça veut dire que cet homme s'est tourné là, il a vu les deux, pas vrai? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, nous avons ni or ni argent. Je n'ai ni. Ils étaient combien là maintenant? C'est ceux qui parlent. Quelqu'un dit la puissance disposée pour l'église. Je n'ai ni or, ni quoi, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que Jean et moi nous avons. Vous avez vu ça, non? Ce que j'ai, je te le donne. Il parle ça au singulier. Ils sont deux là. Ça vous fait quoi là, frère? La question que je pose, c'est Pierre dit qu'il a ça. C'est quoi qu'il a? C'est trop fort. Où? Il dit ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, il a un don pour restaurer ceci. Donc, je t'accorde cela. Vous m'écoutez très attentivement. Ok. Maintenant, continuons. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fins. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temps, marchant, sautant et louant Dieu. Il n'a pas loué Pierre. Il n'a pas commencé à dire que c'est ceux de l'église de Jérusalem, à gauche, ouest, qui nous a guéris. Non, c'est Dieu qui louait, parce que c'est Dieu qui avait fait ces choses-là. Maintenant, écoutez très attentivement. Pierre n'a pas lancé les tracts d'évangélisation que venez rassemblez-vous devant le temple, même si n'importe quelle guérison, Dieu va vous opérer. Il n'a pas dit cela. Cet homme-là était tout simplement là chaque fois. Pour dire, quel qu'en soit l'endroit que tu te trouves sur la terre, quand Dieu veut te retrouver, il te retrouve de toutes les façons. Il te retrouve. Les rassemblements dans les cuvettes, les noyades, des canards, ça n'est pas, c'est pas comme ça qu'il fait. Vous ne verrez nulle part les endroits où il fait les tracts pour disputer que alors nous réunions. Ça ne se trouve pas ici. C'est le programme du Saint-Esprit. Remarquez très bien si vous lisez dans Actes chapitre 8, comme je vous ai donné aujourd'hui. L'Éunuque éthiopien qui était allé à Jérusalem adorer et qui rentrait. Il est venu à Jérusalem, les pieds hauts étaient, les Jacques étaient à Jérusalem. Personne n'a pu le détecter. Quand il est rentré, il était dans le désert, le Saint-Esprit empêche, dépêche Philippe de descendre à Gaza, la route qui est déserte, pour aller le retrouver là, n'est-ce pas, frère? Un être humain pouvait savoir qu'il était là. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui alors? Nous programmons tout, les miracles. Frère Gignon, je vais venir chez toi. Ton heure de culte se convient. 18 et maçon commence soit 18 à 17h. Vous finissez vers quelle heure? À quelle heure exact? Parce qu'il faut qu'il fasse 21h soir à la maison. Mais et si le Saint-Esprit dit qu'on va jusqu'au matin, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ça? Où est-ce qu'il arrive l'être humain? Pourquoi? Parce que cet être humain est habitué à un endroit où on s'assoit. On a écrit que le culte commence à 8h, ça finit à 10h. Il est habitué. Et le vrai problème, c'est qu'il ne trouve pas qu'il y a un problème là-dedans. Quand le programme, on doit fixer Dieu pour faire quelque chose. On ne peut pas être des humains. Vous voulez adorer quelqu'un qui est esprit, vous le conditionnez en lui disant que nous commençons à telle heure, donc toi esprit, là, tu es obligé d'agir dans cet intervalle. Vous êtes où là, mon frère? Qui est Seigneur ici? Qui est Seigneur dans ces conditions là, frère? Les hommes. Donc, vous faites ça, Dieu se retire. C'est parce que vous saisissez. Il dit, dans le cadre humain, c'est normal de faire des programmations. Dans le cadre chrétien, il n'y a pas. Vous allez voir nulle part de programmation là-bas. Non, oh! Oh, Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, c'est l'ordre selon l'esprit. Fixer de 9h à 9h40, ce n'est pas l'ordre, ça. C'est vraiment le vrai désordre. C'est ça, là. C'est le désordre. sais pas si vous me suivez. Amen. Ok, je sens d'indiquer tout simplement les petites choses là qui. Désolé. Oh non, non, réunissons-nous ici mardi, les mercredis. Et si le jeudi vous réunissez. Vous voyez dans la Bible, on dit qu'il s'est rassemblé chaque jour. C'est pas que les rois étaient chaque jour. Il partageait de ce. Chaque jour, il s'est rassemblé de lieu en lieu. Oh ma soeur, je vais. Il parlait au Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est commenté. Tu dis, toi que tape ici, il te touche 250 millions. Tel, c'est combien il touche, il ne drop pas qu'il le dépasse. Voilà les commentaires. On paraît. Donc, qui va gagner? C'est Marseille. Waouh! Plus qu'un but. Oh, c'est plus qu'un but, c'est tous les buts, c'est quoi? C'est bien, bro. Comment pas? Bro, non, c'est un fan de Marseille. Vous savez, je suis en train de vous dire, vous ne comprenez pas que c'est un problème. Parce que quand vous allez dire ça, je vous vais dire qu'il y a quoi de mal pour se distraire. Ceux-ci n'avaient pas le temps pour la distraction. Si vous lisez tout simplement votre Bible et vous voulez fonctionner comme eux, sachez que vous êtes mort vraiment à vous-même. C'est-à-dire, vous dites que non, il faut que je me distraire. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour avancer comme eux. Parce que eux, ils avaient tout quitté, frère, pour la cause du royaume. Tout. Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Ils venaient se rendre compte plus de 2 ans après avoir quitté. On passe quelque part avant de le dire. Ils se souviennent que sa belle-mère habite là-bas. On parle de guérir, ils sont encore, ils marchent. Ces gens s'étaient mariés, abandonnant le travail, ils quittent de Galilée, ils partent ici, ils partent de la Judée, ils traversent par là, ils traversent par là. Ils ont marié. Aujourd'hui, tu fais ça, tu dis que tu es abandonné le domicile. Ce sont les prêtres et les pasteurs qui vont voir ta femme, qui vont porter plainte dans le service social. Bon, là-bas, abandonne le domicile. Donc, d'abord, je t'avais dit que Dieu m'avait révélé que ce n'était pas ton mari. Ton mari, c'est ici à l'église, c'est le vice-pasteur. Pasteur assistant. Voilà ce qui meuble la scène religieuse. Mais ce que je vais te dire, c'est que ceux-ci avaient un fonctionnement. Ils fonctionnaient avec le GPS céleste. Ils fonctionnaient avec le GPS céleste. Ça les détectait pour indiquer quel endroit, l'endroit que le ciel veut qu'ils vont. Alors, il se tient ici, après la guérison. Verset 7 nous dit qu'ils entraient tous ensemble dans le temple. Le monsieur sautait maintenant, soutient, louant Dieu. Maintenant, nous allons voir la confrontation avec les religieux. On peut y avancer? Verset 8, verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Voici donc le pourquoi Dieu l'avait laissé paralysé. Le but arrive. D'accord? Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Donc Dieu veut présenter aux yeux du monde que sa puissance est inégalable. Il veut faire quelque chose que la science n'a jamais fait. C'est pour cela qu'on peut appeler ça prodige et miracle. Parce que si tu as les maux de tête, on dit que oh, j'ai prié, mes maux de tête sont guéris. Le parastamol guérit les maux de tête. Pas vrai, frère? Donc là, tu peux dire que non, c'est sûr que c'est parce que j'ai cru que ça marche. Parce que quand il prend le parastamol, ça ne guérit pas. C'est quand tu vas arriver au niveau où la science ne peut rien, que Dieu manifeste ta gloire, que tu saches maintenant que ici c'est Dieu, parce que là c'est inégalable. Vous entendez ça, frère? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici la semaine où je suis rentré du Congo. Je suis rentré du Congo vendredi et samedi. Déjà au Congo, le papa qui s'est couché, qui s'est endormi à Edea, avait des problèmes. J'appelle ma femme ici, il dit, appelle à Edea, tu demandes ce qui ne va pas. Et la femme dit, ah, non, l'autre m'a prévenu qu'il y avait quelque chose de santé qui n'allait pas là-bas à la maison. Moi, je rappelle du Congo, je dis, pourquoi faut-il que c'est Dieu qui me révèle que vous avez des problèmes, que vous avez une situation où ne me posez pas. Puis maintenant, quand je rentre vendredi ici, samedi matin, je suis en train de prier avec mon épouse là-bas, le papa qui est là-bas appelle. Il appelle, il pleurait à la douche. Il pleurait, il était tombé dans la salle de bain. Il ne pouvait plus marcher. Même sa femme était à l'extérieur. Elle a un pied parce qu'on lui avait imputé le pied. Donc ils sont deux dans la maison. Lui, il est tombé dans la maison. Il est tombé dans la salle de bain. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas du tout bouger. Il a laissé tirer au sol. J'ai dit au téléphone que crie, appelle ta femme. Il a crié, la femme est venue aussi avec en avançant. Et elle a pris le téléphone, j'ai dit, mets le téléphone sur haut-parleur. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur. Il dit, est-ce que tu as l'huile quelque part dans la maison? J'ai dit oui. Elle a pris, il met l'huile sur son pied qui ne peut pas marcher. Elle a mis l'huile. J'ai dit, est-ce que tu entends cette voix? Elle a dit oui, j'entends cette voix. Il dit, vous-même, vous deux, vous entendez cette voix? J'ai dit, oui. Il dit, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu qui guérit. Je te commande de te lever où tu te trouves. Frère, j'ai dit, je te commande, lève-toi, marche, va au salon. Il est à Edea, c'est au téléphone qu'on allait parler. Il s'est levé, il a marché, il a allé au salon. Amen. Il s'est levé, il a marché au salon. Il dit à sa femme qu'il est où? Il dit, elle dit que je ne vois que c'est terrible. Il est en train de marcher, il va au salon. Amen. Tu suivais, frère? Amen. Oh, lui, il a prié la nuit d'avant. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu me vois même? châtie-moi pour qu'ils sachent que tu es mon enfant. Châtie-moi. Le matin, quand c'est devant ça, poum, ça s'est arrivé. Dès que le Seigneur l'a restauré, on a pris la voiture, le Seigneur est arrivé. Parce qu'il savait que c'était la fin. On est arrivé à la maison, c'est lui qui est venu nous ouvrir la barrière. Il dit que je suis étonné. Le pied, il fait le pied. Alors qu'il a dit que le pied là, était gros, quand il sentait, c'est comme si c'était un grand arbre. Puis on s'est assis au salon là-bas, j'ai vu de ce côté-ci, à ma droite comme ça, quelque chose arrivait, les anges s'alignaient. J'ai vu que, vous savez, quand il y a une conférence, vous voyez les gens qui sont tout autour, ils passent, quand les gens passent sur le red carpet, le tapis rouge. Quand les gens qui sont les grands qui doivent entrer pour la cérémonie, quand ils passent, il y a des gens tout autour qui applaudissent. Quand j'ai vu ça, je l'ai vu entrer. Je lui ai dit, papa, quand tu vas entrer, les gens vont applaudir. On est rentré, 4 jours plus tard, je suis décédé. Mais il a dit, Seigneur, châtie-moi. C'est arrivé. Dieu l'a châtié, l'a restauré, l'a pris. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, et c'est lui, si, quand, le jour qu'il va aller au ciel, c'est lui qui sera envoyé devant moi pour m'accueillir. Ça vous fait comprendre? S'il entre au ciel, c'est lui qui va venir m'accueillir. Oh mon frère, viens, viens, viens, viens, bon arrêt. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de fin. C'est disposé pour nous. Oh, maintenant, voici, le voici couché avec le pied qui peut, il ne peut pas bouger. Et tu dis, au nom de Jésus, lève-toi. Il se lève, il commence à marcher. Il dit, et c'est quand on est arrivé qu'il a expliqué que lorsque tu as dit que lève-toi, lorsque ta voix touche mon oreille, quelque chose a parcouru mon corps comme le courant. Gros, c'est descendu, c'est parti. Ici, il sait que quelque chose s'est passé. Même si tu ne parviens pas à lui dire, il sait que quelque chose s'est passé. Dès qu'il a entendu la voix, il a vu la manifestation. Ici, ce n'est pas le paracétamol. Donc il sait que quelque chose s'est produit. C'est ce qui est arrivé à cet homme-ci. Lorsqu'il a entendu la voix, il a même commencé à regarder comme ça. Là. Quand Pierre a tendu la main, le lever, la Bible dit que ses cheveux sont sortis. Pierre dans les chevilles des gens, frère. Donc il y a une voix qui a parlé. C'est pour ça que vous entendez cette voix, vous dites, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Quand vous entendez cette voix là parler, c'est autre personne. Vous entendez cela? Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Vous entendez? Alors, quand Dieu veut faire quelque chose et qu'il a disposé à l'église cette portion, nous devons nous méfier. Même si Pierre est un paysan, qui va au temple, les souverains sacrificateurs sont là-bas. Ils ont leur place arrangée à la synagogue, bien raffinée, avec des touches bien claires. Ils ont leur dit mes offrandes qu'on va donner tout à l'heure. Celui-ci n'a même rien à voir avec la sacrificature. C'est un Galiléen, on les appelle Galiléens. Quand on dit Galiléens, ils sont les désordonnés. C'est eux que les Hérodes tuaient chaque fois. Il y a les Galiléens et les Judéens. Quand on dit que tu es des Judéens, c'est les troubles. Eh, un gars de Consamba de New Bell, oui, c'est là où tu n'es pas péché. Je suis un gars de Consamba. Amen. Vous entendez? Alors, ici, regardez bien verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, a couru vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, nous sommes au verset 12, tout le monde y est. Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme Israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Vous avez vu cela? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Donc, on n'a pas de puissance intrinsèque. Mais il y a une puissance disposée pour nous. Vous comprenez cela, frère? Le pasteur est puissant. Hein? Non. La puissance du Saint-Esprit marche. Remarquez ce que l'apôtre Pierre dit ici. Il dit que nous, c'est comme ça par notre propre puissance. Il veut dire, je suis un être. Enfin, il a dit ça dans le chapitre 10. Dans le verset 24, chapitre 10. Quand on est allé vers lui, quand il a dit, si un ange sort du ciel, il me dit qu'il va appeler un être humain sur la tête, il me dit les paroles. C'est que l'autre signe ne doit pas être quelqu'un qui est simple. Quand il va vers lui comme ça, il a dit, premier pas. Hé hey! Il a dit, non. Laisse l'histoire des papes du catholique. Je suis un homme. N'est-ce pas, frère? Les deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, et tout cela, ils prennent ça. Pour montrer qu'ils sont exclus du sacerdoce de Pierre. Que vous écoutez, si ça vous énerve, il n'y a pas de problème. Ancien catholique, il n'y a pas de problème, c'est quand même la vérité. Alors, il a vu l'éclat, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Directement, il a compris, il allait à la source directement. Vous avez régné le Saint et le Juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous y êtes. Amen. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Voilà en quoi réside la prise de cette puissance qui est disposée pour nous. Voilà en quoi consiste. C'est par la foi en son nom. Souvenez-vous donc, j'ai parlé une fois ici de la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. N'est-ce pas, frère? Nous y voilà maintenant. Ah! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! C'est pas ça dont il est question. Il dit c'est par la foi dans le nom, dans son nom, le nom de Jésus. La foi dans son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Qu'est-ce que ça vous fait comprendre là maintenant? Oui, ça veut dire prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ sans être en alliance avec lui, vous allez tenter Dieu. Ça veut dire prononcer le nom du Seigneur Jésus. Sans être en alliance avec lui, vous êtes en train de tenter le Dieu qui porte ce grand nom, ce nom glorieux. C'est par la foi dans le nom de Jésus que ce nom a raffermé. Nous sommes en alliance avec lui. Il nous a donné l'autorité de fonctionner dans son nom. C'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que ce nom a reçu. Nous sommes en union avec lui. Il nous a donné autorisation de faire ces choses. C'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ qu'il nous a donné autorisation de faire ceci. Comme je suis en union avec lui, nous sommes en Christ. Il nous a donné l'autorisation de fonctionner dans son nom. Il nous a donné d'ouvrir n'importe quoi en son nom. Pierre dit cela. L'autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Vous y êtes? Vous pouvez avancer? Continuons. Verset 16 encore. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Amen. Regardez bien. Cet homme-ci qui était couché là, on lui a donné de demander l'offrande, l'offrande de pigeon, le reste des dîmes de son père, les dettes des offrandes de sa mère. On lui a demandé les cartes des dîmes, dans quelle église il est baptisé, s'il est allié avec le souverain sacrificateur. On a demandé s'il a foi pour être guéri. L'apôtre Pierre dit que c'est sa foi qui a été requise pour guérir ce homme-ci. C'est sa foi à lui, le fait qu'il a confiance, qu'il a mis totalement sa vie entre les mains du Seigneur, c'est pour ça que c'est ça qui a donné cette guérison. Vous voyez donc que les hommes que Dieu a donné comme don ont besoin, ont intérêt à être sur la terre pour vous. Amen. Vous voyez cela? C'est-à-dire que cet homme qui est paralytique, Dieu n'a pas requis sa foi dans le Seigneur pour le guérir. Donc pour lui, pour Dieu, il était comme un être humain qui était mort sur la terre. Parce qu'un cadavre, on ne peut pas demander à un cadavre que est-ce que tu as foi, il peut être ressuscité. Vous pouvez lui demander. Non. Quelqu'un dans le coma, on a mis les appareils sur lui, que, ça fait pip, pip, pip. Je vais dire, oh, toi dans le coma, si tu vois la lumière, là, ça c'est Jésus. Aie foi en lui dans la lumière, moi, je vais te faire revenir. Tu vas faire des bêtises comme ça. Non. Qu'est-ce que tu viens de vouloir prouver ici? Une voix n'a pas parlé. Nulle part on a dit à l'apôtre Pierre que le monde aux âmes fait des choses. Mais ils sont conduits par le Saint-Esprit. Alors maintenant, cet homme-ci n'a pas eu besoin de la foi. L'homme à qui le miracle a été accordé n'a pas eu le besoin de la foi. Et l'apôtre Pierre ne lui a pas prêché l'évangile pour lui demander s'il accepte oui ou non pour qu'on prie pour lui pour qu'il soit sauvé. Non. Ici, il s'agit de la guérison de son plan physique qui va le conduire à prendre conscience qu'il y a un Dieu souverain dans les cieux qui peut le sortir de la situation. Et il doit devoir faire son alliance avec lui. Remarquez bien comment les miracles sont conditionnés aujourd'hui. On place la guérison et la prière après avoir donné les offrandes. Vous soulevez d'abord vos enveloppes de dîmes et les offrandes. On peut passer d'abord les offrandes. Tu es obligé de faire parce que tu attends que si on fait comme ça, tu ne fais pas comme ça. Peut-être l'esprit de Dieu va se fâcher pour ne pas donner ta part des miracles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? N'est-ce pas, frère? Amen. Vous êtes fâché? Non. Alors, lorsqu'on fait passer d'abord tout cela, on est sûr que vous allez attendre. Parce que si on prie d'abord pour la guérison, tu peux te fâcher. Le raison ne vient pas, tu pars aller avant que tu es venu. Donc, nous, on prend d'abord l'argent pour que même si tu te fâches, tu pars, tu as déjà de l'eau, tu donnes. On a besoin de se réveiller. Il y a des choses qu'on doit rectifier. Souvenez-vous de ce que je dis. On va rectifier. Et chacun de nous doit payer le prix pour que ces choses se reviennent. Chacun de nous doit payer le prix pour que ça revienne. Ne comptez pas sur quelqu'un. Vous devez être un artisan. Vous devez dire, ah, pourquoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi ça ne marche pas? Nos attitudes, individuellement, est-ce que nous faisons ce qu'il faut faire? Combien de fois par jour vous remerciez le Seigneur seulement d'avoir donné le don de vie à un frère? Combien vous priez que Dieu se manifeste au milieu de l'église? Comme vous priez pour les uns les autres, il y a des frères qui ont des problèmes partout dans le monde entier. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5 que c'est les mêmes souffrances qui sont imposées à nos frères dans le monde entier. Vous voyez cela? Mm-hmm. Alors, dans ce cas, combien de fois tu pries? Déjà, même que pour toi, tu pries en baillant. Donc, vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tourne-toi, regarde quelqu'un, pointe le nez, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Cesse les rituels religieux. Jésus allait à l'église dimanche. Le verset des salles va aller à l'église. À la fête des Pâques, je vais aller. Le premier jamais, je vais oublier mes péchés de 31. Je tiens à demander, c'est ça. Il faut la vie de Christ en toi. Il faut la vie de Christ en toi. Perpétuel et permanent. Perpétuel et permanent. Amen. C'est ici, frère. C'est jusqu'à ce point-là. Et ceci, je l'ai dit la dernière fois, ça ne s'obtient que si vous arrivez au niveau où soit je meurs ou je n'ai pas ça. Si votre soif n'arrive pas à ce niveau. Parce que Jésus a dit que ceux qui ont soif viennent et boivent. On ne peut pas ne pas avoir soif, vous verrez qu'on ça ne donnera pas. Il faut qu'il crée d'abord la soif. Si la soif est créée, vous allez venir de la bonne façon. S'il ne crée pas cette soif-là, vous courez dans le sac. Souvenez-vous, c'est lui qui doit produire en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. C'est parce que vous me saisissez. Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, souvenez-vous de ceci, Dieu n'a pas eu recours aux foi du malade pour guérir. Dieu a eu recours ici du don de foi qu'il a déposé dans la peau de Pierre. Le don de foi. Le don de foi bouscule le mondain. Bouscule le mondain. La prière à tâtons réclame la foi de l'autre. Si quelqu'un n'a pas de foi, souvenez-vous de celui-ci, Pierre n'a pas prêché l'évangile. Remarquez très bien, on nous raconte l'histoire qu'il a confronté. Il a dit, regardez-nous. Quand il s'est tourné à regarder, la Bible déclare, il ne voulait pas savoir si c'est un serviteur de Dieu. Il n'a pas vu le corps blanc, mais le corps blanc, il dit, hey, honorable invité, chers parents et chers amis, révérend pasteur, docteur, il n'a pas vu. Il était comme un ordinaire. Le père a dit, mais celui-ci, il veut me réclamer l'argent ou c'est à lui de me donner l'argent. On peut faire comme ça que ce sont les agresseurs qui prennent même l'argent des aveugles ici dehors. C'est une. A lui, le cas pensant recevoir d'eux quelque chose. Oui, il pensait recevoir quelque chose, mais ce qu'on lui a donné, il pouvait penser à tout sauf à cela. Parce que lui, ce qu'il attend, c'est soit les dollars, les CFA, ou s'il n'a pas ça, les cartes bancaires, il convertit à notre monnaie. Mais il pouvait penser à tout sauf ceci. Parce que ceci, ce n'est pas des dimensions humaines. Ce qu'un homme peut te dire quand il voit dans ces conditions, c'est. Ouais, Asia, c'est tout ce qu'il peut faire. Le reste, c'est toi qui supportes. Le cœur connaît lui-même son propre chagrin. Mais ici, l'apôtre Pierre remplit l'esprit et allait au-delà de l'entendement humain. Ce que j'ai, j'aime ses paroles, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le commandement est donné. Ça descend des cieux, ça plut. La Bible déclare que sa parole court avec vitesse. L'exécuteur de sa parole est puissant. C'est descendu, ça a catapulté et recréé tout un système là-bas. Réanimé ses membres. Il s'est levé debout, point. Et c'est un but, c'est pour un but. Dieu n'a pas utilisé la radio pour faire la campagne, ni l'imprimante pour faire quoi que ce soit de quoi. C'est ça, c'est la louange. Il sait que c'est l'heure où les Juifs viennent se rassembler au temple. Imaginez seulement un 13h où à la mosquée, les numéros, tout le monde est rassemblé et que tu passes par là-bas. Un musulman qui est sur le paralysie comme ça, tu dis lève-toi et marche au nom de Lucas, se lève. C'est que soit on te tue là-bas en gandoula blanc, tu vas te dire comment tu as fait pour faire ça là-bas. C'est ce qui s'est passé avec les juifs là-bas. Parce que c'est l'heure, ils ont une heure spécifique pour la prière. Et c'est le lieu de rassemblement. Dieu les envoie là-bas pour faire ces choses-là. Pour que ça leur crée le problème. Vous avez ça? Ça leur crée le problème. Dieu s'en fout, c'est pour sa gloire. Amen. Remarquez, très bien, si on fait ainsi maintenant, quelqu'un guérit, vous serez content. Mais quelque part, d'autres ne seront pas contents comme ceux-ci. Et ce n'est pas étonnant. Quand Jésus lui était sur la terre, dans le chapitre 13, il a guéri une femme qui était tenue depuis 18 ans. Il dit, ah, il dérange. Il y a 6 jours pour faire le miracle. Il veut faire ça le 7e jour. Donc, ils aiment le sabbat plus qu'un être humain qui souffre. C'est ça la religion. C'est-à-dire, tu viens, tu as souffré. Pasteur, ça ne va pas. On lui dit, des contacts, ça ne va pas, ce qui ne va pas. Il dit, tu payes tes dîmes. Ce n'est pas la mort que les pasteurs sont allés chercher comme ça. Tu paies tes offrandes. Tu es né de nouveau. La Bible a posé la question à celui-ci. Dieu t'a envoyé de faire des gens sur la route. Prends quelqu'un dans son épaule de cœur. Demande si Dieu t'a envoyé de faire des gens de nouveau. Dieu t'a envoyé qu'il a besoin des enfants. Dieu t'a envoyé des enfants. Oh. pourquoi tu deviens, pourquoi tu aies la guérison, pourquoi tu sois enfant de Dieu. Donc Dieu, ne me faites pas qu'il parle ce soir, c'est ce qu'il veut parler. Qu'il faut d'abord devenir enfant de Dieu pour avoir la guérison. Quand elle a donné la guérison partout là-bas à Jérusalem, quand elle marchait là-bas, c'était ses enfants tous les ans. N'est-ce pas les mêmes personnes à qui il fait des miracles qui l'insultaient? Il a fait un jour s'asseoir des gens comme ça, plus de 5 minutes, ils ont mangé, ils s'est rassasié. Le lendemain, le jour, tu m'as encore levé, ils ont dit, quel miracle fais-tu pour qu'on croit en toi? C'est pas la même personne. Il a dit, ok, redonnez-moi le poisson que vous avez mangé hier. Hein? Il a dit, mais c'est le nouveau que le poisson vous transforme. Faites attention avec Dieu. Alors nous avons cliqué nos standards sur la tête. Oh, on trouve maman, elle a besoin de maman. Maman, il faut naître de nouveau. Maman, il faut naître de nouveau au bac. tu dis naître de nouveau à une maman. Tu dis naître de nouveau à quelqu'un qui ne comprend pas. Fais l'action du Saint-Esprit. Amen. Pierre a dit, ce que j'ai été donné. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand il a marché, il a continué dans le temps. Il n'a pas dit, hey, c'est Jésus qui t'a guéri. Il faut venir dans notre église et notre rassemblement. C'est chez Jacques, qui est la colonne de l'église. Tu ne viens pas là-bas, je vais prendre mon miracle. Non, non, non, il n'a pas dit ça. Vous avez vu Pierre dire des choses. Frère, qu'est-ce qui ne va pas avec nous au Jésus? Vous voyez, quand vous voyez, nous citons la Bible aujourd'hui, mais nous oublions exactement ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, c'est pour la liberté qu'il nous a franchi. Vous devez savoir cela. Jésus lui-même, il ne poussait pas les gens à qui il donnait à accorder des miracles de le suivre. Quand il guérit, il les laisse tranquilles. Pas vrai? Remarquez bien dans Luc chapitre 17. 10 personnes vont venir vers lui. Oh Seigneur, Seigneur. Il dit, allez vous laver dans l'eau du Seigneur. Pendant qu'ils partaient se laver, combien ont été guéris? 10. Ils ont été guéris. Ils le laissaient tranquille avant, non? Le gars, pendant qu'il marchait avant, boum, les doigts sont sortis. C'est la lettre. Le gars a compris que non. Si celui-ci, il a dit, va te laver dans l'eau de celui-là. Alors si ce n'est pas quelqu'un de normal, il s'est retourné pour rentrer vers lui, pour dire Seigneur, merci. Les 10 autres vont dire, oh, la vie est bose. Les 9 autres, ils vont dire, aïe, mané. Mais maintenant, nous allons écrire la société, on va aller là-bas, n'est-ce pas, frère? Le Seigneur Jésus s'est tenu là-bas, il a dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il était ici, mais il sait que les 9 autres ont été guéris, parce qu'il savait comment il devait leur accorder la guérison. Il ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'il a forcé quelqu'un de le suivre? Non. Est-ce qu'il a retiré sa guérison à ceux-là? Non. Celui-ci est venu, il a rendu à Dieu, il dit, va ta foi, toi sauve. Il n'a pas dit que désormais, suis-moi, je te ferai maintenant pécheur et nombreux. Il a dit ça, frère? Non. Il dit que va ta foi, toi sauve. Il dit, nous aujourd'hui, nous voulons protéger le salut de quelqu'un, alors que même nous ne sommes pas sûrs. La Bible nous dit clairement qu'après avoir fait les procédures comme ça, on parcourt sur la terre, on fait deux fois plus mort que nous, prêt pour la Géhenne. Donc, laissez les gens, le Saint-Esprit fait son travail. C'est intéressant quand tu prêches quelque part sans dire ce qu'il y a quelqu'un, ce qui va donner sa vie à Jésus, ne dit pas un pasteur théologien, tu dis que mes frères, ta prédication n'est pas complète. Donc, normalement, tu dois dire, tu vas lancer le filet pour dire que venez. Pour que quelqu'un prend la décision de suivre. C'est ce que. Vous avez vu ça dans la Bible, frère? Non. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Non. Alors, nous sortons avec cela. Donc, toutes ces conventions inconventionnelles-là, on doit nettoyer. Amen. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre le Seigneur Jésus. Lui-même, il dit, nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné, tu es sur la terre, il va à Jésus. Il va parler comment? Vous voulez faire comment? Lui, si la terre a été sur la terre, il forçait quelqu'un. Hein? Non. Mais maintenant il dit que allez, faites des nations des disciples. Tu viens dire que sois disciple de Jésus. Il t'a demandé de faire comme ça. Hein? Ok, forcer à le donner la guérison, alors on voit. Forcer qu'il soit né de nouveau, on voit. Après qu'on va réciter comme ça, les gens viennent, après ils commencent à faire avec les comportements mondains. Ils disent que comment tu fais? Tu veux que le canard commence à faire comme la poule? Comment il va faire? Il va commencer à faire, vous avez la poule va faire un cuit, il va te faire cuit, il va faire un coin. Le canard a de là, son palme là, qui sont là, celui qui permet de nager, ce n'est pas lui qui a fait. C'est là depuis. Quand il entre dans l'eau, c'est vous qui constatez même qu'il nage bien. La poule qui a roté va se noyer. Comprenez ça, frère? Jésus a ses enfants. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des ennemis. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, elles viendront. Je les connais. Donc Jésus connaît ses brebis. Le Père qui me les a donnés. Dieu, le lui a donné. Il les connaît tous sans exception. Tous sans exception. Elles viendront. Il a prophétisé qu'elles viendront. Personne ne les arracherait de la main. Aucune de ces personnes. Je donne ma vie pour mes brebis. Vous entendez cela? Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Tu es sur la tête, tu n'as plus les gens pour Dieu. Pour ton royaume, tu dis c'est pour Dieu. Comprenez? Les dénominations remplies, chantant les lois de Dieu, ne veut pas dire que tous sont des dieux. Suivez ça, frère. les animaux impurs qui sont les purs qui sont les que Dieu a cités la Bible, chacun chantait les cantiques, vous savez ça, n'est-ce pas? Et tous les cantiques à la gloire de Dieu. Pas vrai, frère? Mm-hmm. Les animaux impurs, les purs chantent. Et les marquettes très bien, attrapez un porc. Le cri qui va lancer, vous allez confirmer qu'il a la voix. Vous comprenez? Mais Dieu l'appelle animaux impurs. Quand il crie au secours, quand il crie pour Satan, Satan le sauve. Quand vous avez le porc, vous allez égorger, faire. Oui! Vous croyez qu'il dit quoi, frère? Le Seigneur au secours, miséricorde, ici, là, on veut m'égorger. Vous avez vu un monde lui-même étant en danger, appelé Satan? Oui, hein, frère? Vous avez vu quelqu'un que la voiture fait crrr en roue, il dit, oh, le Satan, sauve-moi. Oui. Tous disent quoi? Bon Dieu. Bonne soirée. Oui. Dans la deuxième partie, nous allons continuer. Oui, bien. Dieu te bénisse. Don't je le chante, yeah. Sois guéri dans le nom de Jésus, consolé par le nom de Jésus, soulagé par le nom de Jésus, si tu le crois. Libéré tu seras.